Sous prétexte d'humaniser, on est de plus en plus inhumain. Sous prétexte de l'avancement technologique, puis on est de plus en plus arriéré. C'est pas normal qu'on nous dise qu'il faut être de plus en plus en santé, qu'on est de plus en plus malade. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un processus où il y a un groupe de personnes qui détournent l'énergie. Là, c'est facile à voir. C'est tous ceux qui ont des conflits d'intérêts, des lobbyistes, puis du monde qui font de l'argent avec ça. Et il est là le problème. Donc, la vraie, vraie, là, maladie, est là. Je veux dire, c'est ça, c'est de la corruption. Puis cette espèce de manque d'empathie pour son prochain. Parce que l'autre, là, qui disait, aimez-vous les uns les autres, là, il est là le problème, là. Il faut vraiment, c'en est ça de l'inconscience. Tu sais, c'est pas normal du monde qui ont travaillé comme, ils ont des politiciens qui ont été ministres de l'Éducation, du monde qui ont travaillé dans le ministère de l'Éducation, qu'ils savent que leur réforme va faire en sorte que d'une année à l'autre, les élèves, les compétences vont être moindres. Ils le savent. Mais pour des raisons, dire, ah ben moi, mes enfants, ils vont dans des écoles privées, puis j'ai moyen de payer Harvard à mon gars, puis d'envoyer ma fille étudier en Suisse dans une école privée, puis ces enfants-là qui vont dans le système public, c'est des enfants de Joe Blow qui punchent pour travailler. Il y a un problème là, grave, là. C'est du nivellement vers le bas, puis à long terme, là, on va se ramasser tout dans la marde. Puis on va avoir des nouveaux maîtres qui viennent d'ailleurs, que le système a plus d'allure. Puis ils vont nous traiter comme ce qu'on est, c'est-à-dire des arriérés puis des barbares, puis avec mépris.